Le journal coréen Rodong Sinmun, en date du 24 avril, a présenté un commentaire sous le titre « Analyse de l'essence ignominieuse du conservatisme sud-coréen ». Le commentaire note que la bande des conservateurs sud-coréens sévèrement condamnés par l'opinion publique sud-coréenne se démène désespérément pour éviter sa ruine. Il dénonce en détail la nature du conservatisme sud-coréen servile à l'égard des États-Unis et du Japon, versé dans la traîtrise et la corruption et fanatique de confrontation et de guerre contre la réunification sous les sous-titres suivants « Bande de traîtres dépendant des forces étrangères », « Bande de traîtres recourant au principe de politique contre la réunification », « Bande des bellicistes appelant le cataclysme contre la nation » et « Bande corrompue et pourrie ».